résonne dans ma tête. Énergie de notre ancienne, énergie de notre ancienne, énergie de notre ancienne. Je médite sur le beat à la mélodie aérienne, aérienne. Résonne dans ma tête, énergie de notre ancienne. Je médite sur le beat à la mélodie aérienne. Mais toujours en contrebas, ce passé au goût amer qui flotte au cri d'un vent glacial d'hiver. Trop affaibli, il faut que je me repose. Dans cette bataille, j'en ai perdu la prose. Trop de sang a coulé sous les sillons de mon encre. Et peu à peu, au fil des mots, mes rimes se nécrosent. Je pars en pèlerinage pour trouver ma voix, celle qui m'aidera à comprendre ce fameux pourquoi. Je cherche en moi cette paix antérieure. Je cherche à ravir cette lueur éteinte de mon cœur, tel un mercenaire, j'avance droit dans ma pensée. Sous ce vent si froid, j'en ai les lèvres gercées. À plus trouver les mots, j'en ai le souffle coupé. Qu'une solution entrée dans un mutisme d'un profond. Le cœur, il est là en moi, mis aveuglé par mes peurs. La vérité se vandalise et le silence est de mise. Putain, cette ascension ne pas lâcher prise. Telle une lame, le gel s'incruste au fond de ma chair. Tel un bourgeon froid, mes envies restent prisonnières. Harcelant ma vie, j'en ai perdu les envies vaines. Mais vais-je un jour surmonter toutes ces contraintes? Je veux aller vers toutes ces contrées au doux soupir. Briser les glaces sur les remparts de mon empire. Dire enfin j'ai compris, dire enfin j'ai la réponse. Enfin dire il est l'heure, il faut que je fonce. Je sais qu'il ne reste que moi pour aller plus loin. Et les ombres d'une vie passée comme témoin. Je sais que tout commence par soi-même. Alors c'est ici que je me ressource sur cette neige éternelle. Je médite, je médite, je... Yeah.